à croire là. Vous en branchez ou quoi? Hein? Encore une quête, fais-le pas chanter dans le cul là comme un jette. Et t'inquiète, c'est pas depuis la hulle que le rap roule jette. Là c'est trop chaud, touche pas le pot. J'suis vénère, il est trop chaud, ne me palper. Il croit qu'on est bouillant juste par bol, alors qu'on est disqualifié par poule. Moi ça c'est quoi, tu me reconnais un gros lossa. J'connais la solitude, j'aime bien rouler un dolé seul. Me rendre un peu partout, on me dit si moi c'est trop lossa. Viens me trouver dans l'allée, mais un coup d'aim m'a donné le seum. Repentis pas tes faits, ils font depuis l'adolescence. J'ai fréquenté béton et puis le temps m'a donné somme. En direct la galère, gros son, mais adolescence. Et si le big en vie pour toi, c'est que mon dîner sonne. Je voulais un peu frais dans le GTI, loin des cours de GO, tout proche de GTA. Toi passe ton petit jeton, brûle le proston et dis au pote de GTA. Moi j'ai les cartes, j'ai les as, ouais, ouais. Comme le poulet, je leur écarte les tes os. Je mène les cartes, je prends des pauses. Tu m'as été sur sale bâtard, mais j'ai la désos. Tu m'as été sur sale bâtard, mais j'ai la désos. Mais malgré ça, toujours la tête qui tourne. On passe au mal qu'on fait tous bloqués dans les fourneaux. Quand tu cours la ligne droite, les cartes te pètent au tournant. Et quand t'es dans le Berlin, comme un marron, regarde les journaux. Si merde, le succès fait tourner. Fils de ce matin au tournant. Le gérant me disait qu'on te perd la journée. Tu sourire, tu m'as été trop gourmand. Avant sur terrain, ça crame ma puce. Je finissais bourré, je regarde les crânes de ma pays. Amar, comment te dire, comment pas fait la passe. Avant sur terrain, ça crame ma puce. Je finissais bourré, je regarde les crânes de ma pays. Amar, comment te dire, comment pas fait la passe. Avant sur terrain, ça crame ma puce. Je finissais bourré, je regarde les crânes. C'était un ropé chaud là. C'est Yamael.